La compagnie de ce charmant repas est si jolie que je la quitte pas. Le vin est fort bon, tout rangé de façon. La table est bien garnie, mais je préfère encore ma douce Mia. Ma douce Mia, c'est mon pain quand elle vient, soit blonde ou brune, la couleur m'y fait rien. Je n'y regarde pas ses appas, ni même à sa fortune, mais je dirai toujours que j'en ai une. Mes braves gens, en seriez-vous jaloux peut-être encore? Me mépriseriez-vous? Vous mépriseriez toujours mes plus tendres amours. Vous êtes belle et gentille, vous serez pas toujours jeune et perfide. Belle et gentille, chacun en est content dans ce bas monde pour bien passer son temps. Le printemps a ses fleurs, l'été a ses chaleurs, l'automne a ses richesses, l'hiver en est glacé par ses rudesses. Ben voilà.